Si la pensée vient d'ailleurs, où est le réel libre-arbitre ben, par rapport à une vue? Le libre-arbitre, c'est la capacité à prendre des décisions. Or, si vous voyez d'une façon réellement claire, vous n'avez pas de décision à prendre. Vous allez voir ce qu'il y a à faire. Donc, il n'y a pas besoin de libre-arbitre. Quelqu'un de lucide et qui voit, qui sait, il n'y a pas besoin de prendre de décision. Il n'y a pas besoin de faire de choix. Quelqu'un qui sait, par définition, il n'y a pas besoin de faire de choix. Hein? Pourquoi des fois on se trompe ou on est trompé, c'est parce qu'on ne sait pas. C'est aussi simple que ça, là. Le libre-arbitre psychologique qui existe pour ce que l'intellect, puis l'intellect qui existe parce que l'être humain est obligé de réfléchir à son expérience. Quelqu'un qui sait tout le temps, c'est un peu comme si vous jouez aux échecs, puis que vous savez tout le temps ce qu'il faut faire, vous n'avez pas à avoir de stratégie. Hein?